Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Vous avez déjà vécu une nuit d'été à Gotham? Je veux dire, une vraie nuit d'été. On parle souvent de la pluie, de la neige, mais l'été, c'est autre chose. Quand il n'y a pas de nuages dans le ciel. Quand la lune pleine surplombe les rues. Quand les étoiles semblent vouloir résister même aux lumières de la ville. Quand l'air chaud continue de battre sur votre visage, quelle que soit l'heure. Ah, c'est quelque chose et... qu'est-ce que je raconte? Écoutez, je vais pas vous la faire longue. Il s'est rien passé depuis la dernière fois, on va reprendre exactement là où on en était. Un abruti en train de foncer à toute vitesse à moto dans les égouts avec une gamine à bord. Et d'autres abrutis abasourdis dans leur bar après avoir oublié les dernières minutes à cause d'une formule magique, peut-être. Oh, me regardez pas comme ça, hein. Le narrateur allume une cigarette, la portant à sa bouche avec une élégance sans élégance particulière, la cendre tombant sur son costard blanc. Vous pensez vraiment que la narration, ça se faisait toute seule? Que personne racontait l'histoire? Qu'on regardait l'aventure de votre point de vue? Non mais vous seriez sûrement les narrateurs les moins fiables qui soient. Je veux pas dire mais... Vous entendez très littéralement ma voix dans votre tête, en pleine déréalisation, déconnectée de l'écoulement naturel du temps. Alors maintenant que j'y pense, je suis peut-être même pas si fiable que ça moi-même. Enfin bon. Surtout, n'essayez pas de vous rappeler de ce qui est arrivé au 99e étage de la tour Levantine. Surtout pas. JB, tu es en train de conduire la moto à toute vitesse. Dans les égouts. Tu viens de prendre plusieurs tournants, tu as évité deux trois tuyaux qui traversent. Juste devant toi, entre toi et le guidon, la petite. Je rappelle, une petite de a priori peut-être 10 ans, peut-être un peu moins, peut-être un petit peu plus, un truc du genre. Les cheveux noirs profonds, une espèce de tache de naissance au-dessus de l'œil droit, entre l'œil et le sourcil. Et tu sens dans ta poche ton téléphone qui vibre. Mais évidemment, vu l'urgence de la situation et vu ta conduite un peu risquée dans un environnement aussi étrange, tu prends pas spécialement le temps de regarder ton téléphone en pleine conduite. Tu prends même pas peut-être spécialement le temps de t'arrêter. Tu vas le plus vite possible. Tu as quitté le Hour Alibi en sachant a priori que des gens venaient de rentrer, à la recherche de la petite sûrement. Et dépendant d'à quel point ils sont violents, il est tout à fait possible qu'ils aient exécuté tes amis ou au moins qu'ils soient en train de les torturer pour savoir où tu vas. Je veux te demander comment tu te sens de ta situation Et en général aussi, veux dire ta carrière, ce genre de choses, dis-moi. Ma carrière de quoi? Bah écoute, moi je me sens très bien. Hâte de rendre le ga la gamine, sauf si la gamine, le gars veut pas sa gamine, en cas je reviendrai à Werelebi. Et sinon, je suis très concentré sur la route. Et je me dis, en fait, le but, c'est que là, actuellement, c'est la première fois qu'on fait un bon geste, alors qu'on est censé être les plus gros connards de de Gotham, mais on a quand même de l'humanité pour éviter de mélanger enfants et mafia. Ok, très bien. C'est très bien, donc aucun signe du 99e étage de la tour Levantine dans ton esprit, c'est parfait. Donc tu fonces et l'esprit clair, tu finis par émerger des égouts. Ta moto fait un espèce de petit bond en sortant d'un énorme tuyau sur les abords de Gotham, atterrissant dans la boue. Et tu continues à rouler. Tu sais plus ou moins où tu es. En mettant ta petite cage d'accès en dessous du Hour Alibi, t'as pris le temps un peu de te souvenir des axes principaux des égouts, de te les noter un peu en tête, grâce à ton intelligence supérieure. Et donc tu sais que tu n'es pas très loin du terrain Wayne, la propriété Wayne. Je demande à la gamine si elle va bien. Parce que quand même, avec son petit casque, avec les oreilles lapinou... Elle te répond pas spécialement, peut-être qu'elle t'entend pas non plus, parce que ça fait du bruit une moto. Bah, et elle a un casque, elle a un gros casque sur la tête. On a des intercoms entre casques. Non ? Je crois qu'on peut parler. Ça n'a jamais été mentionné, ça ne sera pas rajouté. Ok. Ok. Mais elle est toujours debout, donc ça a l'air d'aller. Tu... À travers ton casque, tu vois la lumière du soleil couchant qui est en train de se refléter un peu à travers la visière. Il va faire nuit dans peu de temps. Tu avances et tu finis par t'arrêter aux abords de la propriété Wayne. Tu vois les espèces d'énormes murs de briques parfaitement bien taillés. Au-dessus de ces murs, les grands les espèces de grillages bien bien forgés en jolie forme, ce genre de choses. Et tu t'arrêtes surtout parce que tu vois au loin. Parce que tu vois au loin. Tu vois au loin le grand portail de la propriété Wayne, et tu vois que devant ce grand portail, il y a pas mal de monde. Il y a plein de voitures, sûrement une flopée de journalistes, des vannes de journalistes, ce genre de choses. C'était à prévoir. A priori, la fille cachée. De Bruce Wayne a été enlevé, ce genre de choses, donc évidemment que les journalistes vont se mettre tous devant chez Bruce Wayne en attente de nouvelles, ou au moins d'une déclaration de sa part. Alors que tu regardes ce spectacle au loin, tu es en train de te demander comment tu vas bien pouvoir rentrer là-dedans, si tu veux pas passer devant les journalistes qui sont sûrement équipés de bien des caméras. Est-ce que tu vas devoir escalader cette muraille? Ça va être compliqué, il te faudrait de l'équipement. Et alors que tu réfléchis un peu à ton plan, tu te poses des questions. T'entends derrière toi, avançant lentement, une espèce de grosse masse. Tu sens les feuilles craquer. Les feuilles craquer, intéressant. Les feuilles se froisser, tu sens les branches se craquer. Et puis t'entends cette espèce de vibration, cette espèce de vvvv. Et tu te dis, ah, putain de voiture électrique. On les entend de bien moins loin que les voitures normales. Tu tournes la tête et tu vois une espèce de vieille voiture noire. C'est vraiment pas une espèce d'une voiture luxueuse ou quoi que ce soit, c'est vraiment très terre à terre, même pas pour avoir l'air joli ou ce genre de choses. Très utilitaire. Et tu vois au volant, a priori, à travers les vitres et les reflets du coucher de soleil, une espèce de vieil homme, enfin, difficile à dire, c'est un mec bien en forme, a priori, physiquement, mais qui a quand même l'air d'avoir de l'âge, des lunettes épaisses, carrées, une espèce de grosse moustache. Et tu vois qu'il a les yeux sur toi, tu sais qu'il t'a vu. Dis-moi ce que tu fais. J'espère qu'il... Je regarde la gamine, je regarde le mec, et je dis à la gamine, j'espère qu'il te reste encore un peu de vomito, parce que je pense qu'on va devoir aller vite. Ok. Mais avant de faire quoi que ce soit, j'attends de voir sa réaction, si c'est un danger ou pas. Ok. La voiture s'arrête à une certaine distance de toi, a priori. Genre, il est pas en train de te foncer dessus ou quoi que ce soit. Tu l'aurais entendu depuis bien plus loin s'il était à toute vitesse. Et il ouvre la portière et il sort. Tu vois qu'en effet, c'est un type qui a l'air bien en forme physiquement. Il a dû passer une vie à s'entretenir. Il se tient bien droit, il est dans un espèce de grand imper beige. Il a des cheveux gris, blancs, peignés en arrière, une espèce de grosse moustache, des grosses lunettes, comme j'ai dit, épaisses. Et je vais te demander, s'il te plaît, un jet de connaissance. Bien, c'est Jim Gordon et je suis dans la merde. J'ai fait 37. Ok. Tu connectes immédiatement les neurones que tu as. Et tu te souviens de tous ces moments à la télé où tu as vu ce type-là passer. Peut-être un peu plus jeune, peut-être il y a quelques mois, peut-être même encore. En effet, il est passé à la télé il y a pas longtemps. Il a été, en quelque sorte, forcé peut-être de prendre la retraite. En tout cas, c'était pas très clair. Le commissaire Jim Gordon. Enfin, ex-commissaire Jim Gordon. Vu qu'il a pris la retraite il y a quelques mois. Il est là, tout droit, il a les mains dans ses poches. Et il a les yeux sur toi. Il fait pas un pas en avant. Il a pas l'air de vouloir t'effrayer. Ou provoquer ton agressivité. Bah je descends de ma moto, je coupe. Pour éviter que les journalistes se focalisent sur nous. Et je prends la petite dans mes bras et je vais voir Jim Gordon en fait. C'est le seul moyen que je peux pour pouvoir rentrer dans le truc quoi. Donc je vais voir lui. Je lui demande s'il me connaît. Ok, dis-moi ce que tu lui dis, en approchant. Bonjour, commissaire. Alors, vous en faites pas, j'ai pas d'armes sur moi, d'accord? Je ne compte pas m'attaquer à la petite, je la ramener à son père. T'as toujours ton casque avec sur toi ou pas? Au moment où tu l'enlèves. T'as toujours j'ai le casque, toujours mon casque. Oui. Ok. Ok, tu vois qu'il te regarde, du coup, t'as ton casque qui étouffe un peu le bruit de ta voix, peut-être même que te connaissant qu'il a un espèce d'effet, ton casque qui modifie un peu la voix, qui fait un espèce de truc un peu robotique. T'as l'air d'être le genre de personne qui aime faire ça. Il garde les yeux sur toi, il a l'air très attentif quand même, ça a l'air d'être un mec qui en a vu des choses. Et il dit... Ouais, je cherche pas les ennuis, fiston. Non plus. J'essaie juste de sauver une enfant. Il baisse les yeux vers la petite qui est genre devant toi, que t'as sûrement les mains sur ses épaules ou un truc comme ça, où tu la tiens par la main. Je la tiens par la main, ouais. Et il dit... Tu l'as récupérée où, cette petite? Alors, vous allez me croire ou pas me croire? C'est Harley Quinn qui nous l'a déposé. Tu vois que, en te regardant, tu vois, il a juste un sourcil qui se lève un peu, c'est juste un peu circonspect, mais en même temps, il a dû en voir pas mal des choses, il a pas l'air totalement stupéfait non plus par cette révélation. J'ai plus ouais, je vois. Tu vois qu'il se baisse lentement, il se met accroupi. Et il dit « Ça va, petite? T'es pas blessée ?» La petite parle pas, mais genre elle secoue la tête pour signifier que non, elle a pas de soucis. Il a l'air satisfait. Il a un espèce de petit sourire et il se relève. Il dit « Bon, je vais prendre la suite. » Bien. Mais de base, je dois la rendre à ça, en main propre. Donc, si vous pouvez m'aider à l'amener là-bas. Ça dépend, fiston. Est-ce que tu veux voir ton casque sur les journaux ou pas? Y'a pas de souci. J'ai l'habitude avec le hacking. Vous savez très bien ce que je fais. Merci pour l'info, tu peux monter. Il reva dans sa voiture et il te fait signe de le rejoindre. Je monte dans sa voiture avec la petite derrière. Très bien. On va voir les deux gars avec les casques lapines dans la voiture. Vous montez dans la voiture et il continue à avancer. Je vais cacher la petite quand même pour éviter que les journaux la focalisent. Et vous avancez vers cette marée de journalistes. De votre côté, les autres, je vous le rappelle, vous étiez hors alibi et vous veniez d'être laissé par les deux hommes de Black Mask qui vous avaient hypnotisé. Bonne question. Pour avoir toutes les informations dont ils avaient besoin, vous laissant un peu pantois sur place. Il y avait qui déjà exactement dans la scène avec Black Mask? Les présents au moment du dialogue, je sais plus s'il n'y en avait pas qui étaient restés à côté à des trucs, c'est pour ça. Mais j'avoue que je ne sais pas. Bon, sinon disons qu'on était tous présents. Je pense qu'on était tous là parce que c'était important. Enfin, je vois pas qui se serait barré, mais en même temps, je m'en plaît. À la base, j'étais parti pour lui parler, et puis après, du coup, tout le monde s'est un peu pointé, il me semble, de mon souvenir. Ouais, il y a une histoire, je crois, où on n'est pas tous arrivés dans le même ordre. Alors, oui. Mais bon, il oui. y a. Oui, je crois que c'est pas important. De toute façon, tout le monde est passé par là. Ok, bah de toute façon, du coup, moi je pense que je vais allumer Gotham News et je vais regarder. Parce que je me dis que si JB se fait choper ou qu'il foire la mission, on le saura dans la seconde, quoi. Et oui, c'était Xavier qui était là. C'est pas Yasmine. C'est Xavier. C'est pas regarder la télé, il faut prendre le pauvre Xavier, il débarque à chaque fois. Oui, c'est pas regarder télé qu'il faut, c'est prendre voiture tout de suite. Il faut chercher les autres. Il faut chercher Baptiste. Il faut faire exploser la voiture. On est mort. Non mais comment tu veux trouver Baptiste JB, on sait pas où il est parti. Il faut trouver Plan Ego et suivre. Il faut faire comme eux. De toute façon, faut partir immédiatement. Enfin, sinon, on est mort. Sur JB. JB a tout... On a du retard sur lui à tous les coups. C'est pas JB qu'on va attraper, c'est voiture, imbécile. Quelle voiture? Quelle voiture? La seule voiture à voir un criminel Black Mask qui s'apprête à tuer JB et dire Black Mask qu'on a joué contre lui. Oui, mais ils savent donc pas où est JB, puisqu'on savait pas où il est. Je comprends rien aux histoires. JB est parti. On savait que le plan c'était de le donner à Wayne, vous avez voté pour ça? Oui. Moi je comprends pas ce qui s'est passé, mais visiblement ils sont partis avec. Ils ont dû obtenir information par espionnage, je pense. Et du coup, ils sont partis le chercher. Et tu crois qu'ils vont aller chercher Wayne? Tu vas chez Wayne comme ça? Mais ouais. Mais ils vont le rattraper. Bon, vous êtes une bande d'imbéciles. Qui me suit? Qui même me suivent? Mais si jamais vous voulez pas venir, ça va être grosse conséquence pour le groupe. Alors débarquez vite. J'éteins la télé. je pense que quelqu'un doit quand même rester ici au cas où. Si jamais JB revient. J'ai pas de barbe. Ouais, j'ai pas de barbe, mais je grommelle dans ma barbe. Je me dis, mais c'est vrai que JB, si je rejoins Yasmine ou. C'est Yasmine ou c'est. Xavier là. C'est Xavier. Je rejoins Xavier, tu vois. Je me dis, mais à tous les coups, JB, tu vois, il est déjà pas. Il avait tellement d'avance, à tous les coups, il est déjà dans. Dans une voiture avec je ne sais qui, genre le commissaire Gordon ou quelque chose comme ça. Enfin, tu vois. qui sait, qui oh, sait ce qui pourrait se passer. C'est pas son genre de voir le commissaire Gordon. Attends. C'est un exemple comme ça, tu vois. Non, mais. Je sais pas. Non, mais en tout cas, moi, je reste ici. Si jamais JB revient pour une raison ou pour une autre, il faut que quelqu'un reste là. C'est en quelle année que ça se passe Gotham déjà? 2023. C'est maintenant quoi. Ok, donc c'est toujours Twitter. Je regarde sur Twitter, c'est quoi les top tendances? Vite fait, pendant que je m'apprête à suivre Marco, parce que je vais pas le ralentir plus que ça. Il est déjà assez en colère. Ok. Les top tendances. Ça doit. Il y a déjà les choses sur la fille de Bruce Wayne. De toute manière, c'est le grand. Oui. Je veux dire, dans moment, ce registre-là. Hein. Je te demande pas de me trouver tous les. Dans les ce registre-là, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent des enfants de riches qui disparaissent. Ils disent c'est mérité. De toute manière, il y en a déjà trop. Tu vois d'autres gens qui sont en mode non, mais attendez, c'est quand même des êtres humains. Et puis, c'est une petite fille, elle a rien mérité. Enfin, elle a pas mérité ça, ce genre de choses. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de news. Vraiment d'actualité pour le moment. Ouais. Et y a pas des conspirations en mode c'est Wayne qui a fait buter la mère pour faire disparaître la fille. Bruce Wayne a fait tuer la mère et là il est sûrement en train de se débarrasser de la petite pour pas avoir à s'occuper d'elle ou à payer des choses, ce genre de choses. Mais il ferait pas ça, c'est quelqu'un de bien, Bruce Wayne. Oui, t'as des gens qui disent non, mais c'est quelqu'un de bien, il a financé plein d'orphelinats dans Gotham. Et oui. Pour faire face à toutes ces maisons explosées au fil des années ou écrasées par la Batmobile et ce genre de choses. Ouais, c'est un type bien en fait, le vrai méchant dans l'histoire c'est Batman. Enfin, totalement. Du coup vous partez pour... Ouais, je suis Marco, je vais charger quelques armes dans le coffre de la bagnole pendant qu'il se prépare et puis... Moi je suis, mais j'avoue que de toute façon je sais pas faire vos trucs moi, je veux bien aider mais... Moi, juste j'appelle mes trois sous-lieutenants là et j'essaye de leur dire on a besoin de localiser voiture Bang Black Mask Berlin Noir sans doute partie direction cette fois-ci. Il faut faire tout pour la faire stopper. Jouer tout. En RP, Xavier, tu parles bien de genre de des armes et tout ou tu parles de quoi exactement en disant ça? Oui. Je sais pas ce que vous allez faire, mais. Moi je vais jamais. Je te mets la main sur l'épaule et je dis ouais, mais là je crois qu'on va pas avoir le choix. Et je te file un énorme flingue. Okay. J'espère que t'auras pas besoin de t'en servir, mais garde-le proche. Okay. J'espère non plus. Pendant ce temps, du coup, Marco, t'as confirmation quand même de tes hommes. Sauf si on se fait contrôler. T'as confirmation de tes hommes que du coup ils vont se mettre au boulot. Par contre, tu le sais déjà toi-même, mais. Bon, ton organisation yougovienne, elle a pas non plus, elle est pas immense et elle a pas non plus, pas présente sur toute la ville. Elle est genre présente dans Arkham City en fait. C'est-à-dire que hors des murs qui séparent Arkham City du reste de la ville, c'est pas top. MJ. Oui. Est-ce que dans toutes nos pérégrinations, c'est vrai que on a quand même dû, même s'il y a eu des histoires avec eux, tout ça. Il y a eu des histoires avec eux, vu qu'on a dû leur graisser la patte, tout ça. On a bien le contact d'un ou deux agents de la NET. Oui, sûrement. Qui font toujours les contrôles, les checkpoints, tout ça. Ouais, sûrement. En effet. Tu sais, on a graissé la patte d'un agent de la NET. Ouais, je m'en souviens. Ok. Et donc, on aurait toujours son contact, probablement. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux l'appeler? Tu peux l'appeler. Oui, tu peux. T'as fait le droit. Voilà, je considère que tout ça se fait pendant que vous grimpez dans la voiture et vous commencez à conduire, ce genre de choses, hein, évidemment. Ok. Bon, bah, écoute, je vais l'appeler, je vais lui demander... Il y a une voiture qui va quitter, j'ai besoin que tout, pour que Arkham City soit bloqué, tout ce que tu veux, attentat, tout, je peux faire explosion si tu veux, mais je paye à payer beaucoup. Ok, t'as le type qui est quand même quand même un peu surpris, je te fais pas toute la discussion, mais il est un peu surpris par cette demande et il se pose quand même des questions. Il dit, mais dis-moi, ça risque pas de poser problème pour nos affaires habituelles? Non, justement, on voit ça comme amélioration, coopération. De toute façon, pas besoin de bloquer toutes. Il faut bloquer ceux en direction du nord et de l'ouest. Nord-ouest. Ok, je vais voir ce que je peux faire. C'est vrai, si tu peux... Je vais voir ce que je peux faire. Et il raccroche. Dis-moi ce que toi as besoin, je le fais. Et il raccroche. Il raccroche. Et, s'il te plaît, Marco, je vais te demander un petit jet de volonté. Non, 19. En moyen. Ok. Marco, c'est vrai que, du coup, t'es en train de... Je sais pas si c'est toi qui conduis, mais en tout cas, tu viens de raccrocher. T'es en train de réfléchir un peu à cette discussion, histoire de voir si t'as pas moyen d'arranger un peu la situation, de faire quelque chose de bon. En fait, je dis, ouais, c'est vrai que ça pourrait, genre, fermer tout ça, ça pourrait poser problème à notre business habituel. Et là, en fait, t'as un espèce de blanc. Et tu dis, le business habituel. Et en fait, tu te rends compte que tu sais pas trop ce que c'est le business habituel. En fait, tu te dis, pas seulement pour les Yougoviens, en fait, tu dis, mais notre organisation du Our Alibi, ça fait un an maintenant qu'elle existe, on a des hommes, on leur paye un salaire. C'est quoi notre business? On n'en a jamais parlé. Mais la situation est quand même un peu urgente. Je sais, tu me diras ce que tu... ce que tu en penses, mais t'as cette espèce de moment bizarre. Ok. Je vais retourner pendant un court instant vers... attends, Pi, tu as dit que toi tu voulais rester au Our Alibi, c'est ça? Ouais, parce que je me suis dit, okay. Bon, si on y va tous, si jamais pour une raison ou pour une autre, il repassait, il fallait quand même que quelqu'un d'entre nous reste ici. Donc oui, je vais bah, moi, pour le coup, je fais en sorte de mettre les infos, voir si on n'entend pas parler de quelque chose qui se passe au niveau de la ville. Okay. Et peut-être essayer de faire jouer un peu mes relations, enfin les contacts que j'ai, appelés qui peuvent me renseigner s'il y a des choses bizarres qui se passent en ville, quoi. Ok. Tu fais jouer un peu tes contacts, tu contactes par exemple le Looney Royal, votre fameux homme de confiance, plus ou moins, qui a pas mal d'infos. Tu regardes les infos toi-même, voir ce qui se passe. Et bon, c'est vrai que... En fait, t'essaies d'avoir quoi comme information précise? Genre une voiture qui se déplace, ce qui se passe chez Bruce Wayne? Ouais, voilà, c'est plus tourné par rapport à ce qui se passe par rapport à Bruce Wayne dans okay, l'instant, okay. Que ce soit en direct ou récemment, voilà. Ok. Du coup, tu te concentres un peu là-dessus, tu vois que le manoir Bruce Wayne, en tout cas la propriété Bruce Wayne, est un peu sous les assauts des journalistes. Peu importe la chaîne où tu regardes, dès que ça parle de cette affaire-là, t'as des gens qui sont devant le portail de Bruce Wayne. Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir genre une télé, enfin une chaîne où c'est un truc en direct, et tu vois, bon, comme BFM TV, ou ça, bon, en fait ça passe en boucle, mais tu vois ce qui est en train de se passer en temps réel. Ouais. Donc devant, j'imagine, le portail, l'entrée principale de chez Wayne. Donc du coup, je vais mettre ça, et peut-être que j'ai une autre télé dans le coin, parce que bon, j'imagine qu'on en a mis plusieurs, et je vais en mettre une autre pour zapper. Mais je vais mettre principalement cette chaîne qui passe en direct. Tu mets les chaînes info direct, tu zappes un peu par là. Il y a beaucoup de chaînes qui traitent la chose en direct, et puis... Il y a d'autres qui ont l'air de se désintéresser un peu tant qu'il n'y a pas de grandes nouvelles. Chacun a son petit business. Tu vois 2-3 pubs qui passent, notamment une pour cet incroyable hôtel de la tour Levantine. Super, tu n'as pas besoin d'y penser très longtemps. De toute manière, c'est pas important. Mais c'est vrai. et tu restes sur les infos. D'accord. Ok, je vais retourner vers toi, JB. JB, oui. Tu étais du coup dans la voiture avec le fameux ex-commissaire Jim Gordon et la petite. Même moi, j'en reviens pas. Vous venez de traverser cette mer de journalistes qui s'est écartée. Il y a eu plein de flashs de tous les côtés, des gens qui ont regardé avec la caméra, genre quasiment contre la vitre et ce genre de choses. Moi, je fais juste. Ça fait un petit coucou. Est-ce que je vois ça? Ah oui, en direct. Tu vois en direct un mec avec son casque de lapin qui fait. Est-ce que je le reconnais ce casque? Ah, évidemment, tu le reconnais. Et... je fais, tu sais, comme une sorte de petit cœur. Et du coup, Pi, tu vois JB qui disparaît dans la foule à la télé et qui va vers la propriété, à l'intérieur de la propriété. Les journalistes ne peuvent pas le suivre. Le portail se referme derrière lui. J'appelle les autres hein, dans le même instant. Je te laisse continuer. Oh non, mais désolé, je vois les... Et JB, du coup, dans ta voiture, tu traverses un petit moment de campagne. Ça reste assez silencieux dans la voiture. T'as juste le commissaire Gordon qui a vite fait retiré son imper et qui l'a mis sur les épaules de la petite. Dans un mouvement iconique. D'accord. Et qui est resté silencieux pour continuer à rouler vers le manoir. Je regarde la petite et je lui ai dit, tu veux que je te retire le casque ? Elle acquiesce. Ok, je lui retire le casque et je lui tends un KitKat. Ok, elle parle pas trop, de cette manière, vous vous souvenez, elle parle pas énormément depuis que vous l'aviez, peut-être sûrement avant. Elle accepte juste le KitKat et elle grignote dessus. Vous arrivez avec cette voiture et ce KitKat, dont je ne répéterai pas la marque parce que nous ne sommes pas payés. Et tu... vous descendez du véhicule. Il y a un vieil homme sur le haut des marches, en tenue de majordome, quelqu'un qui se tient bien droit. Très âgé, vraiment très âgé. Il a sûrement dépassé l'âge de la retraite. Hein. Il est sûrement là parce qu'il est complètement fanatique pour des raisons inconnues, obscures. Et vous montez les marches. Jim Gordon qui reste derrière toi, assez proche. Il semble que même si tu as montré que tu avais l'air de bonne volonté, bon, il en a vu des vertes et des pas mûres, il doit sûrement pas te faire complètement confiance. Et tu rentres dans le manoir Bruce Wayne. Enfin, le manoir Wayne, il n'est pas nommé Bruce Wayne, le manoir. Le manoir Wayne, le majordome t'ouvre la porte, tu rentres à l'intérieur d'une espèce de grand hall. Le sol est un espèce d'énorme damier. Et t'as des escaliers qui partent de tous les des deux côtés, tu sais, genre vraiment les grands halls avec l'espèce de grand chandelier au-dessus en cristal. Et Jim Gordon, du coup, s'arrête là. Et tu entends des pas qui arrivent, ça résonne, il n'y a aucun son dans ce manoir, il y a vraiment, on dirait, aucune vie. Et tout en haut des escaliers, des espèces de grands balcons, tu vois une silhouette qui se dessine, c'est le millionnaire anciennement playboy Bruce Wayne, anciennement parce que bon, il a plus 20 ans quand même. Mais il a sa réputation. Les petites pattes de ses cheveux qui commencent un peu à grisonner. Il te regarde du haut avec un espèce de grand sourire et surtout ses yeux se posent sur la petite. Et il descend les escaliers. Tu vois qu'en descendant les escaliers, ça a l'air d'être le genre de personne qui marche lentement, mais qui une fois dans les escaliers court. Tu vois ce genre de personne là. Ah, du coup, il descend les escaliers en tac tac tac tac tac tac. Et il arrive en bas, du coup avec un grand sourire, il regarde la petite. Il se met accroupi lui aussi, dans un mouvement qui a l'air d'être complètement mimé de Jim Gordon. Et il lui dit... Bonjour, tu te souviens de moi? Et la petite hoche la tête et dit très bien, Alfred, servez un thé à la petite, je ne sais pas. Voilà, et il fait un geste et Alfred du coup va vers la petite et juste lui met la main sur l'épaule et lui dit venez avec moi mademoiselle. Je sais pas si tu les laisses s'éloigner. Je fais attends petite. Je sors dans mon sac son doudou et je lui redonne parce qu'elle avait un doudou avec moi. C'est faux. Pour pas qu'elle ne le laisse. C'est un mensonge ça. Mais elle doit avoir un doudou. Bah du coup je suis dans un doudou. Okay. Et tu sors le doudou que tu gardes tout le temps dans ton sac depuis des années et tu lui donnes un doudou de lapin blanc. Allez, c'est parti. Et du coup, elle s'éloigne avec le doudou. Et du coup, tu te retrouves seul dans le hall avec Jim Gordon et Bruce Wayne. Et c'est un gros tchè gloops. Il y a un petit silence comme ça et genre. Bruce Wayne met les mains dans les poches de son espèce... Tu vois, d'ailleurs, il est en espèce de gros sweatshirt jogging. Un truc sans aucun effort, quoi que ce soit. Il n'est pas en costard ou ce genre de choses. Il met les mains dans les poches de son sweatshirt. Et il regarde Jim Gordon, regarde-toi, il fait... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis pas sûr de tout à fait comprendre. Je viens de me lever. T'as Jim qui dit eh ben, vous avez là votre bienfaiteur, monsieur. Il semblerait qu'il ait ramené la pièce. Et il y a Bruce Wayne qui se tourne vers toi et qui fait eh bien, merci beaucoup, j'imagine. Alors, ce sera combien? Vous voulez un chèque de quoi? Je prends pas d'argent pour les enfants. Il te regarde, tu vois, c'est un peu incrédule. Et il dit, vous êtes certain, je peux mettre beaucoup de zéros, vous savez, je signe ça et on se revoit jamais, vous parlez de rien. Vous l'avez même jamais vu, c'est la police qui a retrouvé la petite, voilà. Attendez, je vais te montrer, je suis en train de réfléchir parce que... Et tu sors ton téléphone et il dit, je suis désolé, on a une très mauvaise réception ici. Et tu regardes ton téléphone, il n'y a aucune co. Okay, aucune connexion. Je me gratte la tête, mais en fait, je parle. Malheureusement, la famille Wayne, par hasard, a construit ce manoir vraiment sur une mine de minerais qui ont des effets magnétiques vraiment mauvais pour ces nouvelles technologies. J'ai même pas la télé ici. Donc, on parlait de combien de zéros? Je pensais que vous étiez beaucoup plus jeune que ça. Vous. On me le dit souvent, mais vous inquiétez pas, j'ai encore beaucoup d'énergie. Vous pouvez demander à la ballerine que j'ai vue hier. Elle s'en souviendra. Je veux bien que vous me passiez un chèque. Nous? Ouais, pardon. Je suis en train de réfléchir avec moi. Allez, bien le con. Non, mais en vrai, go for it. Hein, si jamais c'était pas de zéro pour ce que tu... Enfin, pas de chèque, pas de chèque. Hein. Fais ce que tu... On n'est pas là, mais voilà. Je suis quand même d'accord. Qu'est-ce qui est en plus en accord avec toi? De toute façon, t'es seul pour prendre une décision, on te mettre pas... Oui, on est pas là, donc à la base, on n'est pas censé t'influencer, mais... Je veux pas le chèque, pas de chèque. Non. Que la carte bleue. Ouais, je pensais que c'était une légende qui restait encore des hommes bien à Gotham. Non, moi... Il semblerait qu'on soit deux, alors. Il sourit, tu vois. Il a son air d'espèce de grand débile ahuri. L'âge n'a pas changé ça, a priori. Toujours un petit con. Pour toujours. Vous savez, j'aime pas mêler les enfants à toutes ces histoires. Oui, très bien. Bon, Alfred, vous pouvez lui montrer la sortie. Et il se retourne et il recommence à marcher dans les marches. Au revoir, monsieur le commissaire. Et le commissaire, je vais vous accompagner dehors. Le commissaire qui a pas été cité comme étant un homme bien. C'est vrai. Ni lui ni Alfred, les deux ils se sont regardés à ce moment-là. Vous inquiétez pas, il a dédié sa vie. Non, c'est ta Jim. Il l'a élevé comme si c'était son fils. Jim te met une main sur l'épaule et il te dit vous inquiétez pas, vous avez dû voir la nouvelle. De toute manière, je suis plus commissaire, je peux pas vous arrêter. La dernière fois, il y a quelques mois, j'étais derrière votre banquette. C'était pas moi. C'était qui, du coup ? J'étais à l'hôpital à ce moment-là. Bon. Et tu vois, il pousse un peu vers la sortie. Mais moi, je pars vers la sortie tranquillement. Ok. Tu pars vers la sortie tranquillement. Tu vois qu'il garde pas la main dans ton dos. Et pendant que vous marchez, du coup, vous arrivez dans la voiture. Tu rentres de nouveau dans la voiture avec lui pour retraverser la mer journaliste. Et vous roulez, ça reste un peu silencieux. Au bout d'un moment, il dit « Je m'attendais à ce que vous demandiez un chèque. » Je ne demande pas de chèque pour ce genre de choses. Et vous connaissez bien mes antécédents, on n'a rien à foutre. Je peux juste pomper le fric d'autres riches. Donc, vous savez, je sais en effet qui vous êtes sous le masque, mais... c'est quand même présomptueux de votre part de penser que je vous aurais connu si j'avais pas ces informations. Vous êtes pas si connu que ça. Jean-Baptiste, c'est ça ? Oui. Bon, tu vois que une fois que vous avez traversé la mer journaliste, il t'a reconduit jusqu'à l'endroit où il t'a récupéré, là où il y a ta moto. Et il te dit vous êtes un homme bien. Comme disait M. Wayne. Mais moi, je le pense vraiment. Bon, quoi qu'il en soit... Vous aussi, monsieur le commissaire. Ouais. Vous et vos amis, vous aurez sûrement une visite d'un ami à moi dans pas longtemps. Vous pouvez sortir de la voiture, maintenant. Une drôle de visite. On sait déjà très bien ce qui se passe. Je ferme la porte, je mets mon casque et je pars. Ok. Mais voilà. Ok, tu pars. Je connecte mon téléphone et j'appelle directement Pi. Ok. Eh bien, Pi, tu te fais appeler pendant que t'as vu du coup tout ça. Moi, entre-temps, j'ai quand même appelé les autres dès que j'ai vu l'image pour leur dire qu'il était chez Wayne. Mais du coup, quand je me raccroche avec tout ça, effectivement, ça ressonne. Et JB ? Oui, c'est moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et la petite ? La petite, Wayne l'a prise sous ses mains. Mais tu m'expliques comment t'as fait pour te retrouver dans la voiture du commissaire Gordon ? Il est plus commissaire. Enfin, quoi qu'il en soit, mais comment t'as fini dans sa voiture ? Il m'a vu, il a vu que je n'avais pas fait du mal à la petite, donc du coup, et qu'on l'a bien traité. Par contre, il m'a dit qu'on allait avoir une visite d'un très bon ami à lui, donc ça serait bien qu'on déménage. Ok, et comment ça s'est passé avec Wayne ? Toujours aussi con, il m'a demandé si je voulais un chèque, j'ai refusé, vu que c'est un enfant. Mais pourquoi t'as pris... Mais il est pété de thunes ! Genre, ça aurait pu nous servir ? T'as gagné quoi en retour avec lui ? Rien ? Il t'a juste foutu dehors, c'est tout ? Oui, mais j'en ai rien à foutre. Je suis dans mes principes. Ok. C'est très bien qu'on n'aime pas les enfants avec la drogue et l'argent. Oui, enfin bon, là, tu pouvais demander de prendre de l'argent à l'homme le plus riche de Gotham. Limite. Ok, enfin, d'accord. Et Gordon, il t'a dit quoi ? Qu'il venait venir quelqu'un, mais penses vraiment que c'est pas bon ? Ou enfin, il t'a dit quoi ? C'est pas bon signe. Moi, généralement, quand Gordon disait on va envoyer de la visite chez des gens, bizarrement il y avait la police. voir. Ouais, mais je sais pas. Tu crois pas que s'il avait vraiment voulu te coffrer, il aurait pu le faire ou faire venir quelqu'un pour te faire coffrer. Si là, il te laisse partir, c'est que... qu'est-ce qu'il t'a dit exactement depuis le début ? Est-ce que ça s'est bien passé avec lui ? Oui, il m'a juste dit que j'étais un homme bien. Voilà. Ouais. Quelle idée de coffrer un homme bien ? Bah, il m'a dit qu'on allait avoir de la visite de son ami. Je sais pas qui c'est son ami, moi. Mais ça sent pas mauvais. Moi, généralement, on me dit pas ce genre de choses. La dernière fois, c'était au marché chinois. On m'a dit, il y a des amis qui vont te rendre visite. Il y avait deux tocards qui m'ont tabassé. Oui, enfin, là, on parle du commissaire Gordon. C'est pas n'importe qui. Je veux dire, c'est pas une grosse merde. On peut ne pas être de son camp. C'est quand même quelqu'un de droit. Ça vaut peut-être le coup de savoir à qui c'est qu'on... Enfin, on verra, on en discutera avec les autres. On verra. Mais ce serait bien qu'on déménage. On en discutera avec les autres. De toute façon, on n'a rien à se reprocher, on n'a rien fait de mal. Ce qu'on avait à faire, on l'a fait. Et maintenant, c'est fini. T'as okay. Quelque chose à te reprocher, toi ? Bon, j'ai rien. Ouais, ouais. Bon, bah alors. Pas bon, ok. Mais rentre. Et par contre, tu feras gaffe parce que... Les gars qui sont venus, là, c'est bizarre. On a discuté avec ces gars, là, mais je sais pas. On s'est retrouvés un peu tous bizarres. Je sais pas, mal au crâne. Attends, je suis passé à la télé. Oui. Ça veut dire que les autres mafieux m'ont vu aussi. Ouais, mais je t'ai reconnu grâce à ton casque. Sinon, on n'a pas vu ta tronche. Jette ton casque, bazarde-le, on s'en fout. Et moi, si je sais, j'ai su que c'était toi parce que j'ai vu ton casque. Mais tout le monde ne connaît pas ton casque. On en voit beaucoup des gens qui se baladent avec des oreilles de chat ou de lapin sur le dessus. Non. Pas beaucoup, donc... J'ai pas d'autres casques, je ne vais pas me faire arrêter par les keufs si j'ai pas de casque. Mais tu prends un casque classique, noir ou blanc ou que sais-je, avec rien dessus, et puis c'est tout. Ouais, ok, ça marche. Bon, enfin, je t'attends et j'ai prévenu les autres. Je vais les appeler tout de suite et je leur dis de rentrer. Très bien. Je raccroche et j'appelle. Pendant ce temps, du coup, nos trois compatriotes dans la voiture. Vous êtes du coup en train de traverser Gotham. Vous avez été jusqu'à l'île de Burnley, celle qui est la plus au nord, avant de rejoindre pas la petite où il y a le parc, mais celle la plus grosse au nord, celle qui est juste avant de pouvoir rejoindre la partie où il y aurait par exemple, la propriété Wayne, vous pensez sûrement que la voiture va dans cette direction pour aller récupérer JB, la petite, ce genre de choses. Vous avez essayé de la retrouver, mais aucun de vos réseaux n'a pu vous donner d'informations. Les Yougoviens ont déclaré forfait une fois qu'il a été certain qu'ils avaient pu passer la frontière entre Arkham City et Gotham City avant que vous la fassiez fermer. Vous roulez maintenant un peu sans trop de but jusqu'au moment où vous avez l'appel de JB. Non, de Pi. Je sais pas si vous voulez vous appeler ou juste un message, vous me le dire. Oh, moi je les ai appelés la première fois pour leur dire qu'il était chez. Okay. Il était chez Wayne. Ok. Tu vois, Marco, je t'avais dit qu'on était large. Large, il est passé devant télé, à ton avis, c'est de merde. Ça, c'est vrai qu'il va falloir qu'on le récupère. Du coup, je vais pas avoir besoin de... Non, c'est bon. Je t'ai appris à t'en servir pour rien, du coup. Alors, juste là, on l'a reçu l'appel, le deuxième appel y compris. Pas encore, je pense que moi j'avais appelé une première fois pour vous dire que je l'avais vu à la télé rentrer dans le manoir de Wayne dans la voiture du commissaire Gordon avec a priori la fille, mais on sait pas, c'était un peu bizarre. Et après, je sais pas si je vous laisse un peu. Enfin, je sais. Voilà quoi. pas si bon, j'ai encore rappelé pour dire que je l'avais eu au téléphone. Écoutez, pose pas ce flingue, parce que je sais ce que ça va dire, ça va être dur à entendre, mais il va peut-être falloir se débarrasser du petit. Quoi ? Vous savez comme il compte comme un fils pour moi, mais si jamais il est passé devant télé, non, c'est mais... pas possible. Non mais il est là, il avait son casque, il peut juste changer de casque, il faut qu'il se fasse une nouvelle DA et puis c'est bon. Mais non, à ton avis, il est trop con pour porter son casque. Tu crois quoi? Je suis sûr, il a fait bêtise, c'est sûr. C'est sûr, il va pouvoir le repasser. Mais puis, de toute façon, vous n'avez pas besoin de retuer comme ça, enfin genre vous êtes censé être... Mais Dieu, je te dis. Non mais... Fais confiance. Maintenant, médias vont le suivre, médias ils vont chercher, police savoir qui c'est, relier meurtre, tout ce que tu veux, revenir à nous. Il faut qu'ils disparaissent dans le canal. Sinon, nous ne pouvons pas. Ça veut exploiter et vendre une enfant, ça veut tuer ses propres collègues. Enfin, genre, vous avez des limites quand même ou... Mais vous avez une idée dans quelle organisation vous travaillez? Mais vous croyez que j'ai choisi, moi, d'être là? Oui. Je veux dire que Marco qui débat avec Xavier qui n'était pas dans le bail à la base. Non, écoute, mais. Tu n'es pas ici dans l'armée du salut. Non, mais bien sûr, mais il y a quand même, je sais pas, un code d'honneur, un truc comme ça. Dans les films, là, Sentier de la Perdition, il y a un code d'honneur quand même qui se respecte, non? Non. Si! Vous l'avez pas vu? Revoyez-le. Je régale de pas film. Non, sinon on fait peur. Sinon on fait buter quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Et on lui met le masque. Non, mais enfin, oui, oui, voilà. Et réfléchissez, son identité est cassée maintenant. Tout le monde connaît lui. Bientôt, ce sera la police qui va venir chercher chez lui. Va faire toc-toc. C'est foutu. Il faut faire disparaître. Vu, c'est son casque. Et en plus, c'est quand même le plus habile pour se faire disparaître. C'est quand même littéralement son taf à la base. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est de junkie, lui pas pouvoir faire décision toujours. Mais... Il faut pas confiance, pas de problème. Avoir un peu de décence, genre vous êtes la personne avec le qui on peut accorder le moins de confiance au monde. Vous allez tous nous tuer avant la fin de l'année. Pardon? Bah, excusez-moi, mais. Faire confiance à moi? Bah, vous venez littéralement parler dessus, quoi. Pas faire là, tu sais, je me tourne vers l'arrière et tout. Tu vas pas faire non, mais regardez la route, regardez la route. La route. Tu vas pas faire confiance à moi. Mais la route. Tournez-vous. Attention, cycliste. La voiture est un peu secouée avant que Marco reprenne le volant. Mais c'est pas grave, c'était juste un chat, sûrement. Je m'arrête sur le bas-côté de la route. Non, c'était une branche, t'inquiète. Répète, tu vas pas faire confiance, moi. Mais vous parlez de tuer les gens, je suis désolé. Moi, très très confiant. Toi comprendre. Moi, pas être confiant ou être confiant. Mais vous tuez tout le monde. J'ai fait tuer tout le monde si toi pas faire confiance à moi. Alors que la tension monte peu à peu dans le véhicule et que peut-être que Marco va tuer sortir quelqu'un pour ne pas lui avoir fait confiance sur le fait qu'il ne tuerait pas quelqu'un, un de vos téléphones sonne à nouveau. C'est de nouveau Pi. Hello. Ok, c'est... J'ai eu des nouvelles de JB. Il vient de sortir du manoir de chez Wayne. Il a déposé la petite. Et il rentre au Maya Debi. Le casque. Ouais, non, t'inquiète pas, le casque, personne l'a vu. Quand je l'ai reconnu, c'est parce qu'il avait son casque sur la tête. Sinon, c'est JB, il me dit, c'est pis, il avait pas son casque. Non, il avait son casque, personne n'a calculé, il n'y a pas de souci. Je sors un mouchoir de ma poche et je mets sur le front. Par contre, je lui ai dit de jeter son casque et d'en récupérer un autre, ça évitera de se faire chier. En tout cas, bon, a priori, il a déposé la petite chez Wayne. Bon, Wayne lui aurait proposé de l'argent et il a rien voulu prendre, il a pris zéro. Combien zéro? Il a pris zéro. Il a refusé l'argent de Wayne. Combien? Il a pris. Alors, il a pris $0. Il a refusé l'argent de Wayne. Et Wayne lui a demandé la somme qu'il voulait. Il a dit, par principe, il refusait quoi que ce soit comme argent. Je te passe Ruby, je comprends pas. Ruby, tu peux les péter, tu peux comprendre pas, problème, traduction. Ouais, Ruby. Ruby. Oui. Alors, on va faire court. Ouais, essaye de pas trop discuter d'argent avec Marco parce que j'ai bien compris qu'on lui donnait. On verra plus tard pour combien on se partage. Non, il a demandé le plus gros pourcentage. JB a refusé l'argent de Wayne. Il a pris $0. Il l'a déposé pour rien. Par pure bonté d'âme. Toi, c'est ça. Moi aussi, j'ai pas compris son geste. C'est comme ça. Maintenant, quoi qu'il en soit, le commissaire Gordon, qui n'est plus commissaire aujourd'hui, a priori, a dit que... Attends, mais du coup, on gagne quoi? On gagne la gratitude éternelle de Wayne. J'en sais rien. Il l'a juste. En plus, la gratitude éternelle de Wayne, de quoi? Il avait un masque de lapin blanc. Comment on lui prouve que c'était nous? Quoi qu'il en soit, Gordon, le commissaire Gordon a dit qu'il il va envoyer quelqu'un de chez lui de confiance pour venir nous voir au MyAlibi. Ok, super. Attends, désolé, on passe sous un tunnel. Je raccroche. Je fais, changement de plan. On va avoir une visite et après on peut buter Jean-Baptiste. Combien? Écoute Marco, on en parlera plus tard. Concentre-toi sur la route. C'est plus sûr, je pense. Il a refusé l'argent. Il a refusé l'argent. Marco, lâche le pied de la pédale, s'il te plaît. Marco, tu me fais peur. Oui, je sais pas pourquoi il a refusé. Je prends de nouveaux mots, Hugo. Oui, voilà. Marco, il éclate de colère, il se défoule sur le volant, il jure, il est complètement. Il fait demi-tour, il roule sur le cycliste. La voiture se secoue à nouveau. Le mec, il est en train de se relever tout, il est en train de boiter sur le bord de la route. Heureusement qu'il n'y avait pas un tour de Gotham organisé comme il y a eu il y a quelques années. Mais non, ça va être le livreur de Berit, c'est pas grave. Exactement, de toute manière, ils sont remplaçables, ils peuvent retourner au Mexique. Donc, c'est bon, est-ce qu'il pareil, on va le narrateur non fiable qu'on est censé nous rendre visite. Comment tu disais? Non, je l'explique quand même qu'en effet, on est censé nous rendre visite, mais c'est vrai que là, oui, je commence. C'est sur le coup, c'est sur la colère, mais c'est vrai que là, l'idée de le faire buter, ça met tout de suite beaucoup plus crédible. Mais comme dit, c'est sur le coup de la colère, on verra plus tard. Mais en effet, il faudrait qu'on se rende compte, parce que là, je crois qu'on est un peu en train de se ruiner, en fait. C'est-à-dire qu'on a atteint le monopole, enfin, du quartier, c'est bon, mais en fait, on fait plus rien derrière, quoi. J'aimerais demander à Xavier un jet de volonté. Parce que tu es un peu sous le stress dans cette situation, de dire que t'es pas non plus habitué à tout ça, et puis là tu viens d'avoir confirmation qu'a priori vous allez tuer un de vos collègues. Oui, à moins que c'était une blague, mais je veux dire, comment tu peux savoir avec ces gens? J'ai un peu été menacé de manière... Tu as été menacé de mourir aussi. Donc je vais t'en demander. Hein. Comme dans Pulp Fiction, c'est retourné avec son flingue dans la main. Ruby, justement, toi qui parlais un peu de votre business, du fait que vous avez le monopole d'Arkham City et tout ça, je vais aussi te demander un jet de volonté. C'est du dessin, c'est ça? Oui, c'est du dessin. Je vais chercher mes dés parce qu'on n'a pas de bot. Moi, je fais ça en ligne. Ah, ça marche plus. Si je fais 89, il se passe quoi? 74. Ok, 74, et tu as... Et je joue au pif parce que je ne connais pas ma fiche. Non. En plus, Xavier, je sais pas s'il a des changements. Oh, Oh, c'est rigolo. 40. 40, ok. Je vais commencer par Ruby. Ruby, alors attends, faut que j'aille sur sa fiche. Bon, tu m'as dit 74, c'est ça? Ouais. Ok. J'ai moins que moi. Un petit peu moins. C'est vrai que du coup, tu te dis ça, tu te dis, on a le monopole sur Arkham City et tout ça, et en fait, t'as une espèce de petit moment de blanc, un peu comme ce qu'a vécu Marco un peu plus tôt. Tu dis, ouais, on a le monopole d'Arkham City, et qu'est-ce qu'on fait de ce monopole? Enfin, c'est quoi notre monopole? Rien. Genre, qu'est-ce qu'on... C'est ça, qu'est-ce qu'on fait au jour le jour, normalement, je veux dire. Vous avez fait quelques braquages, mais on garde pas une organisation avec des gens à qui donner un salaire avec des braquages, sauf si vous en faites toutes les semaines. Bah c'est ça, c'est qu'en fait, on s'est fait... Je réponds à la voix dans ma tête. Mais de discussion très sérieuse, c'est j'ai mon regard qui se perd dans la vitre. Je vois plus que la route qui défile. Et je me dis, mais oui, c'est ça, c'est qu'on nous a financé notre organisation, mais on n'a pas de source de revenus récurrente. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de remonter des bails avec l'épouvantail, pardon. Parce que là, on va juste s'écrouler, en fait. Il n'y a rien de... Ruby, je suis la partie droite de ton cerveau, je suis la plus logique, il faut que je t'explique quelque chose. C'est pas important de savoir quel business tu vas faire bientôt. C'est, je suis presque certain d'avoir enregistré le fait d'avoir vu de l'argent passer. Mais d'où il vient, je sais pas, où il est allé, je sais pas. Je sais qu'on a fait un peu deux, trois petits trucs, mais c'est vrai que c'est rien de très organisation criminelle, quoi. C'est juste on fait chanter deux, trois types avec des textos quand ils viennent recharger leur téléphone. Il y en a d'autres qui nous utilisent comme excuse et qui nous doivent des petits services, des petits boulots. Ouais. Putain, faut que je me shoote. Je suis d'accord. Je crois que j'ai un peu de la drogue psychoactive que j'ai dû planquer, parce que j'avais peur que JB tombe dessus, Omaya Levy, fais-moi taire. Très bien, pendant ce temps, Xavier. Xavier, c'est intéressant. Je vais en fait te donner techniquement un choix. Je sais pas à quel point, je sais pas si c'est valide vis-à-vis de la version scientifique des recherches que tu as fait par rapport à tes trucs ou pas. Je te dirai. Mais je te donne un peu le choix de soit Xavier, on va dire réussit à se calmer, réussit à rester là et à rester comme il faut et genre il panique moins, il est en pleine possession de ses moyens. Soit Xavier a la possibilité de peut-être volontairement donner le siège central à Yasmine, qui sera sûrement un peu mieux pour la situation. Tout à fait. Dans l'idée, en fait, pour recontextualiser un peu, c'est Yasmine qui bloque le front un peu volontairement quand elle y est, quoi. Genre, quand elle fronte, elle empêche un peu Xavier de fronte, parce que comme ils n'ont pas la même vision de la vie, qu'il y en a un, il veut juste devenir manager d'une grande boîte, et qu'elle, elle n'a pas du tout envie, elle préfère plutôt être dans les milieux un peu moins ou pas recommandables, du coup elle bloque entièrement, mais l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire au contraire, si elle peut reprendre le dessus, elle va plutôt préférer le faire. Donc en vrai, il n'y a aucun moyen qu'il puisse, il n'y a aucun problème sur le fait qu'il va plutôt chercher, enfin si là il a la force, il va la permettre de front, quoi. Donc okay. Yasmine, ouais. Eh bien Yasmine, tu reviens, et Yasmine, je vais te demander un G, s'il te plaît. Oh, dis-moi. On va dire volonté aussi. Allez. 57. Je gère moins bien que... Ok. Que Xavier. Yasmine. Dis-moi. Il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre quand t'étais pas en train de front, comme tu dis, pour utiliser tes termes. Il s'est passé quelque chose de bizarre, c'est que Enfin, Yasmine, en tout cas, n'a pas été affectée par ce qui a été dit dans le Hour Alibi. Ce qui s'est passé dans le Hour Alibi. Yasmine, t'as été parfaitement témoin de ces types-là qui ont simplement dit un pirate dans un bateau pirate. Et vous êtes tous immobilisés. Et ils ont juste eu à reposer la question qu'ils avaient posée avant, c'est-à-dire où était la petite fille. Et vous avez immédiatement répondu. Et ils ont dit... où est-ce qu'elle va en ce moment ? Vous avez répondu sans aucun souci. Et puis ils ont répété ce mot et vous êtes revenu à vous. Et t'as un peu comme une espèce d'étrange impression. En plus, en fait, quand une fois qu'ils ont dit ces mots la première fois, c'est comme vous, si vous étiez plus dans le Hover Alibi. C'est comme si vous étiez dans cette fameuse petite chambre dans laquelle vous vous étiez réunis, tu crois, au 99e étage de la tour Leventine. T'en es sûr, en fait, presque sûr, tu sais pas vraiment ce qui s'est passé là-bas, mais c'est comme ce qui s'était passé là-bas. Pour contextualiser, là, dans tous les tests et tout, on a repris la voiture, on est où, là Là, vous êtes en voiture, et vous... en fait, techniquement, vous roulez un peu au hasard, parce que du coup, vous n'avez plus vraiment d'objectif, vous essayez de voir si vous trouvez quand même un peu toujours les hommes de Black Mask, mais là, il semble que vous les avez complètement perdus. Ok. Je... Tu sais, je reviens à moi, et je pense qu'il y a un gros moment où Yasmine, Salle Xavier, réagit pas. Genre, vraiment, s'ils discutent ou quoi, genre, elle va juste laisser le flow passer. Jusqu'au moment où je fais « Mais putain ! Mais putain, mais quoi ?» Je me tourne vers Ruby, qui doit être à côté de moi, on est derrière. Vous regardez par la fenêtre. C'est là que je sors de ma torpeur. Hein, quoi, désolé. Putain ! Vous... Il s'est passé quoi, là, avec les gars de Black Mask ? Je sais pas, mais je crois que je suis pas trop dans mon... Ruby, vous avez parlé. Comment ça, avec qui ? Je parlais à haute voix, c'est ça ? Parce que je suis désolé, j'avoue, j'étais un peu en plein trip. Avec les gars de Black Mask, vous avez parlé, ouais. Vous leur avez dit. Ouais, on les a amenés en bateau. Non, vous leur avez dit clairement que voilà, JB partait pour le manoir Wayne, etc. On n'aurait pas fait ça, JB aurait pu se faire buter. Ce serait pas du tout notre genre de vouloir. Enfin, bref. Attends, quoi ? Attends, mais pourquoi tu dis ça ? Je comprends pas, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Marco ? Toi, qu'est-ce qu'il y a encore ? Toi, pour faire confiance, moi, toujours ? Non, mais. Déjà, tu te calmes, tu me parles pas comme ça. C'est Yasmine, je suis pas, les mains, je suis pas Xavier, moi. Tu te calmes. Je veux dire, regarde les mains. Enfin, non, regarde la route, mais... Oui, j'ai compris, oui. T'en fais pas. Il n'y a pas de soucis. Ce qui est entre vous deux et entre vous deux, moi, je suis pas là-dedans. Quoi qu'il en soit, Marco, vous avez dit quoi au gars de Black Mask, là ? Je t'ai dit, il a fait pilote informatique, il a trouvé où est-ce que... Non. Il faut tout répéter. Pour être vraiment... J'en ai marre. Marco. Il faut toujours tout lui répéter deux fois, lui. Vous avez... Parler. Il y a genre personne là qui s'en souvient là. Je suis la seule à avoir vu ça. Mais attends, tu veux dire qu'ils nous ont balancé du psychoactif dans la gueule ? Non. Ils ont dit... Un pirate dans un bateau pirate. Il se passe quelque chose quand t'as dit ça ? J'espère pas. Oui. Alors... J'espère pas. Yasmine... Tu vois que Ruby, genre, te fige. Tu sais, en te regardant juste, elle te fige, les yeux écarquillés. Je trouve ça un peu bizarre, mais t'étais en train de parler. Tu parles, et du coup, tu le remarques, mais ça tilte pas encore. Et puis, après, tu regardes Marco, et tu vois que lui aussi, il s'est figé, et la voiture roule. Ok, un pirate dans un bateau pirate. Vous revenez à vous. Pour vous, cool, il s'est rien passé. Tu le dis ou pas ? C'est ça. Ça fait 15 secondes, tu me regardes dans le vide, tu parles ? Ok, on parlera de ça plus tard. Il est complètement fou. Non. Oh merde. Ok, c'est pas grave. Ça, on détaillera ça plus tard. Je vous montrerai. Y a pas de souci. Il est fatigué. Lâche ce flingue. T'inquiète, c'est bon. C'est... Non. Enfin, vous inquiétez pas. À part l'argent, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il va faire de toute façon ? Non. Question. Vous pensez que JP il est où là ? Ça serait bien qu'on rentre et qu'on discute au calme. Oui, il va falloir qu'on l'élimine, je te dis, mais tu ne pourras pas le sauver. Il va falloir qu'on le tue, c'est comme ça. D'abord, on discutera. Il faut d'abord qu'on attende que son ami nous rende visite, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a négocié avec Bruce Wayne. Ouais, ça se trouve, ils vont nous sauver la mise. Honnêtement, d'abord on discute, et après on verra pour le tuer s'il y a besoin. De toute façon, on n'est plus à ça près. Juste, est-ce qu'on peut rentrer? Il faut qu'on discute. Ouais. Genre vraiment. Ouais, là on y va. Ah, attention, Marco, un cycliste. Quoi? J'ai l'impression que ça secoue un petit peu. Ok. Bon, je pars du coup du principe que vous vous envoyez un peu des messages aux gens qui sont un peu de ce côté, des autres côtés, ouais. Et vous vous dites de vous réunir pour avoir un alibi, c'est ça? Moi, ouais. J'y suis, en tout cas, j'attends. Okay. En buvant un café. Ok. Ok. Ben, vous recevez les messages et vous vous réunissez dans le Our Alibi. Ben, vous vous réunissez. Il y a personne pour l'instant. On va dire que depuis qu'il y a eu les mecs de Blacksmith qui sont rentrés, sûrement que les quelques clients qui les ont vus passer au début ont dû dire qu'il y a eu une visite. Donc les gens sont pas motivés à revenir immédiatement. Oui. Alors, si dans la, enfin, il est possible que JB arrive avant les trois, puisque... C'est tout à fait probable. Voilà. Donc JB, quand il arrive, je lui dis, écoute, tu te mets derrière le bar, derrière moi, et tu bouges pas. Okay. J'ai fait quoi? Non mais, on en parlera avec les autres. Pour l'instant, tu restes là. Ok? J'aurais dû accepter un chèque. Je dans la banque. C'est mieux comme ça. Hein? Ok, j'avoue, moi, je comprends pas trop ta décision, mais après, ouais. C'est fait. Donc que maintenant. Attends deux minutes, puis je te rappelle que je suis l'informaticien du groupe. Un chèque, ça peut se faire enlever de la banque et on peut plus l'encaisser. Oui. Je vais prendre un chèque d'un mec qu'on connaît pas. Oui. Non, quoi qu'il en soit, y en a un qui est vénère. Tu le connais. On sait comment il est. Vous avez souvent l'habitude de vous chercher l'un et l'autre. Par sécurité, reste derrière moi et tu bouges pas derrière le bar. Vous entendez le bruit des clés dans la serrure. C'est vos amis qui arrivent. Je me mets derrière lui. Et je me prends un bon whisky. On entend les bruits de pas dans les escaliers, vu que je vous rappelle que la War Alibi, l'entrée est en sous-sol, avec une espèce de grand escalier. Et du coup, Marco, Ruby et Yasmin, vous arrivez du coup dans la grande pièce du War Alibi, où il y a a priori vos deux compagnons. Ah, vous voilà, ça fait plaisir de vous voir. Vous avez fait bonne route? Je vais tuer. On se calme. Reviens, Marco, pas là, j'ai tué Marco, l'eau. Calme-toi, on va discuter. Je me dirige vers Jean-Baptiste. Non, mais je me mets au milieu et genre j'essaie de calmer. Genre, attends, on va discuter d'abord, Marc. Oui, je le bouge. Je fais remarquer à tout le monde que je suis très calme et très posé. Tu te fais pousser, tu te fais pousser quand même par Marco qui essaie de forcer le passage. J'essaie de résister, quand même. J'essaie de résister, je veux pas. Ok. Alors, Marco, est-ce que tu veux, genre, vraiment le dégager? Oui, je persiste, oui. Ok. Je le dégage. Eh ben, je vais vous demander des jets en opposition, tous les deux. Ouais, et personne va me donner un coup de main, On va pas. Des jets, du coup, bah, de. De force? Tout simplement, de force. Oh! Je crois que je profite de l'agitation pour aller chercher ma cam. Hein. je rigole pas. Ah, c'est dur de vous montrer. J'ai fait un. T'as fait quoi? Non, dur, j'ai fait 90. Ok. Du coup, Marco, tu donnes un grand coup d'épaule dans JB. Non, pas dans JB. Vous m'avez vos noms. Dans Pi. Et en fait, Pi, du coup, c'est. Tu lui. Prends l'épaule avec laquelle il essaye de donner un coup, tu le tiens, et Marco, tu forces, et t'essayes genre même de mettre tes mains pour le pousser, et genre, il arrive en fait à rester sur place et tu commences à genre. Il y a comme une espèce de petite lutte entre les deux, vous savez, juste les mains comme ça, l'un contre l'autre, comme ça, au milieu de la pièce, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Et puis Marco, tu finis par comprendre que, a priori, Pi va pas lâcher. Et du coup, tu relâches un peu, peut-être même un peu fatigué. Je sais pas à quel point t'es en forme aujourd'hui. À tout moment, une droite, ça part, hein. Ouais, mais j'ai fait 1, t'as fait 90, donc je pense quand même que là, j'ai le dessus. Un quoi. Ok. Je pars du principe que du coup, t'as une espèce, tu vois, de moment, tu sais, où genre, à force de lutter, genre de chasser, t'as un peu, tu sais, t'as une partie, au moins, en tout cas, la partie la plus vive de ta colère, tu sais, qui s'est un peu exténuée à essayer de tirer, en fait. Ta colère a été usée à le faire. T'es toujours en colère. Autant que je te laisse libre de ton roleplay, évidemment. Mais on va dire que t'abandonnes ton assaut pour le moment. Ok. Voilà. Oui, JB, tu veux aggraver ton cas ? Moi, j'ai envie de demander au MJ si je peux faire un jet, vu que j'étais pas là pendant que les hors RP, pendant que les deux autres étaient avec eux en haut, et que moi j'étais déjà dans les souterrains. Est-ce que je peux faire un jet pour savoir s'ils sont drogués, parce que je les ai jamais vus dans cet état-là, à part le moment où je lui dis c'est pas bien de tabasser des vieux. Quel état? Voir s'ils sont pas tu drogués. Tu veux dire, t'as jamais vu Marco énervé et prêt à te tuer? Si, une fois, mais les autres. Non, je n'autorise pas, okay. Ce jet parce qu'il n'y a rien de bizarre qui a été dit, il n'y a rien de bizarre qui a été fait pour l'instant. Ça marche. Du coup, je continue avec mon whisky. Je calme tout le monde, mais après, je sais pas l'état des deux autres. Qu'ils sont... Yasmine et. Alors. Rudy est parti chercher sa cam, ouais. Et Yasmine est derrière et elle attend que ça se calme. Elle est dans un peu dans le même état que toi. Du coup, voilà, j'ai Marco, je comprends. Moi, t'inquiète pas, moi aussi je suis énervé. Seulement, ça sert à rien qu'on se mette sur la tronche comme ça tout de suite. On va déjà essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il a refusé et ce qu'on peut faire maintenant. Ok ? Attends, tu as raison, j'ai oublié mes sens. C'est d'abord interrogatoire, ensuite torture. Voilà, ok, on fait comme ça. Ça marche, Marco. Tu as raison. Okay. Tu as raison. Je demande, demande à notre serveur préféré de ramener une petite boisson pour tout le monde et une boisson Yugovi pour Marco, bien évidemment. Il n'y a pas de serveur, il n'y a que vous dans la pièce. Ah bon, bah alors je fais moi-même les boissons. Okay. Tu te diriges vers les boissons et c'est le moment où tu te rends compte que. Non, c'est pas le moment où vous vous rendez compte. C'est vraiment, genre, ça arrive d'un coup. Il n'y a plus de lumière dans la pièce. Plus de lumière, plus de musique, tout s'éteint. Oh non, c'est son image. Je peux me tourner vers... Parce que normalement, si j'ai pas trop bougé, la porte doit être pas loin derrière moi. Parce que moi, je reste en arrière. Est-ce que je peux me tourner vers la porte et genre foncer dessus pour voir si elle s'ouvre? Tu vois, genre dans le noir, mettre ma main dessus, voir s'il y a un mouvement, s'il y a un truc, quoi. Ok. Tu... Je vais te demander, s'il te plaît, un petit jet. Est-ce qu'on a quelque chose qui correspond à réactivité par ici? Attention. Putain. Est-ce que 25. J'ai eu le temps de choper ma console, comme j'avais dit? Attends, je vais écrire. 25, ok. Ouais, 25. Tu pars du principe que t'en avais rien à faire de Marco qui allait tuer JB ou pas? Moi? Ouais. Ouais, comme dit, je m'étais clipsé pour les... Enfin, ok, d'accord. J'avais pas entendu ça. Je pensais pas qu'il allait jusqu'à le tuer, mais je savais qu'ils allaient probablement se régler. Mais là j'avoue, j'écoutais plus la petite voix dans ma tête. Ok, très bien. Tu as eu le temps de prendre la conso, tu l'as dans les mains au moment où, tu sais, où tout s'éteint. Je pense pas que je l'aurais prise là maintenant, mais je l'ai prise en mode je l'ai récupéré. Oui. Je pense pas contre que j'aime shoot à ce moment-là, quand même. Ouais, en tout cas, tu les as sur toi, on va dire. Tu l'as sur le moment où tout s'éteint. Ça prend quelle forme déjà, juste si tu peux me rappeler? Je sais plus, c'est quoi, c'est seringue ou c'est... Alors c'était... Là tu veux spécialement les trucs que t'as appris à faire avec l'épouvantail, ce genre de choses? Je pense, ouais. Parce que l'épouvantail, okay. Lui, c'est plus des espèces de grenades, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est en fait, c'est plus des espèces de... Un peu comme des respirateurs pour l'asthme, on va dire. Ouais, ok. Et genre ouais, ça se respire, okay. Tu vois. Les cartouches de trucs hilarants, là, tu sais, que ce genre de trucs. Ouais. Oui, c'est un inhalateur, quoi. Voilà, c'est dans ces idées-là. Ok, parfait. Ok, pendant ce temps, du coup, toi, Yasmine, dès que tu vois que tout s'éteint, t'as immédiatement une réaction, tu te retournes, tu fonces, tu montes les quelques escaliers qui amènent à la porte, dans le noir complet, et tu heurtes. Putain. Pas la porte. Putain. je lasse un juron, vraiment j'insulte, je laisse rien te venir, je suis en putain. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sens contre tes mains, alors que derrière ça commence à gueuler, du métal dur, comme une... Au début tu te dis, la porte est en métal, non, ça n'a pas la forme d'une porte, tu te dis, est-ce que ça ressemble à, je sais pas, ça a presque la forme d'un torse, et tu te rends compte que c'est genre comme une armure. Putain. Tu sens que ça presse pour avancer. Ça avance je laisse faire. Quand même, peu importe que tu sois là ou pas. Je garde mes mains et juste je recule avec, quoi. Je suis le rythme. Et juste, je lance des jurons tous les trois pas, quoi. Genre, on fait trois marches et je suis en putain. Mais c'est bon, c'est juste les plombs qui ont sauté. Faut trouver l'entorche, arrêtez de paniquer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis putain? Où sont les plombs? Les plombs, la torche. Répondons à vos questions. Voilà, vous entendez, on a un invité, et vous voyez un peu dans la pénombre le dos de Yasmine, du coup, qui commence à réapparaître dans la pièce en descendant l'escalier, et au fur et à mesure que ce qu'il y a devant elle descend aussi, se révèlent seulement deux yeux blancs. Un peu lumineux, des yeux blancs qui vous rappellent quelque chose, parce que non. Vous avez déjà eu à faire face à ça. Non, c'est pas lui. C'est l'ami de Gordon, je vous avais dit. Et là, ce que je fais, c'est qu'au lieu de prendre mon verre, je prends ma bouteille de whisky, je la bois. Mais on n'a rien fait. On n'a rien fait. Marco, il se roule en boule. Ok. Donc, il y en a qui plaident pour la pitié, il y en a qui se roulent en boule, il y en a qui commencent à s'enfiler directement une bouteille. Vous voyez déjà repartir en prison immédiatement, hein? Allez, vu que vous l'avez. Moi, je me dis, on est dans le noir, il doit pas trop bien voir, donc j'essaie de me cacher dans un coin, tu vois. Ok. Alors que je suis 100% ultra cramé, tu vois, mais je me mets dans un coin, tu vois, j'essaie de. Et moi, je vais demander, s'il te plaît, un jet d'attention, Ruby, dans le noir. Ouais, ok. Cinquante et un, ok. Attends, je regarde combien tu as en attention... Ok. Ruby, du coup, tu te faufiles dans le noir, t'espères qu'il t'a pas vu. T'entends pas de réaction, tu te caches peut-être sous une table ou un truc comme ça, du bar. Ouais, c'est ça, ouais, Et tu te recroquevilles, du coup, contre l'espèce de pilier central de la table. Tu t'y accroches du fond à ce pilier en ferraille, là, bien dur. Et t'attends. Je vous avais dit, il avait un ami, et au final, on sait que c'est son ami. Oh, ta gueule! Pourquoi vous êtes là? Ça reste silencieux un moment. Ruby, c'est aussi le moment où tu te rends compte que c'est pas le pied de la table auquel t'es attaché. Il y a peut-être encore une autre personne dans la pièce? Quoi? Et vous entendez une porte derrière vous, la porte qui a l'air d'amener peut-être par vos arrières-salles, là où vous avez votre QG, ce genre de choses. Une porte qui s'ouvre. Vous voyez aussi deux yeux blancs de ce côté-là aussi. Oh non, c'est vrai. Oh non. Oh non, on va mourir. Mais qui vous êtes? Si c'est pas lui, c'est qui? C'est pas lui. Vous avez une voix grommelante qui résonne, qui dit... J'ai besoin que vous restiez silencieux. Vous reconnaissez cette voix pour ceux qui ont pu l'entendre il y a fort longtemps maintenant. C'est bel et bien lui. En tout cas, celui qui parle. Celui qui a descendu l'escalier et contre lequel Yasmine a toujours les mains, a priori. Tu vois les yeux, Yasmine, qui se baissent vers toi. Et qui ne dit rien, mais qui a l'air de commander quelque chose. Tu recules un petit peu. Il relève les yeux de nouveau vers vous. Et il dit... Vous avez ramené la petite à Bruce Wayne. Gratuitement. Il reste encore silencieux un petit moment et il dit Ça ne correspond pas au profil que j'avais établi. Dites-moi si je me trompe. Vous avez un criminel de guerre yougovien. Mm-hmm. Non, c'est faux. Vous avez un hacker qui a déjà travaillé pour les triades et les yakuza. Vous avez une acolyte de l'épouvantail qui a participé à quelques-uns de ces attentats les plus récents. Ex, j'ai plus aucun rapport avec lui. Hein. Vous avez une criminelle instable avec vous qui a déjà participé de manière prouvée au braquage d'une banque. Plutôt stable. Et vous avez un ancien membre du gang du Redwood qui a provoqué la dernière guerre des gangs en date. Oui, tout est vrai, sauf pour moi. Je suis pas criminel, c'est mon cousin. Ta gueule, Marco. C'est pas moi, je vous jure. Marco, je vous jure. Et pourtant, vous avez ramené la petite chez Bruce Wayne. Alors que dans le même temps, vous organisez le trafic de nombreuses personnes immigrées à Gotham pour être réduites en esclavage ou à la prostitution. Ce qui dit sonne étranger. Bah oui, ouais, c'est... Sonne complètement étranger. Mais je sais déjà a priori à qui il fait allusion. Des armes de criminels de guerre acheminées du tiers-monde vers Gotham ou de Gotham vers l'Ukraine. Quoi ? Vous êtes habitué à semer la mort. Et pourtant, cette petite fille, vous l'avez ramenée sans rien demander. Attendez. J'ai rien fait de ce que vous avez dit. C'est mon cousin. C'est sûr, c'est lui. Oh, ta gueule. Non, par contre... Enfin... Ouais. On a des registres, si vous voulez les avoir. À ton avis, vient d'où l'argent ? Bon, je dis ça comme si c'était évident, alors que c'est la petite voix dans la tête qui me l'a fait réaliser. Je comprends rien. Comment on fait pour les payer, nos hommes ? Je sais pas. C'est mon cousin. Je vous jure que c'est mon cousin. Arrête avec ton cousin. Ma gueule, Marco. Bah oui, effectivement, on n'est pas blanc comme neige. Mais a priori, on n'est pas... On fait pas le trafic d'enfants ou quoi que ce soit, une gamine... On peut pas jouer avec. C'est pas ce que mes informations disent. On a un registre, si vous voulez. Mais pas de trafic de gamins ici. J'ai un registre aussi. J'ai pas arrêté de vous observer depuis que je vous ai arrêté la première fois. Donc vous savez très bien qu'on a rien à voir avec tout ça. Sauf si quelqu'un comme Marco, et là je me retourne vers lui... nous a pas dit certaines choses. Ce n'est pas Marco, c'est chacun d'entre vous. Non, c'est mon cousin, je vous jure, c'est pas moi. Non, d'accord, sachez juste que à la base, moi je voulais qu'on se réunisse pour parler de quelque chose, désolé, hein, mais... Il y aura quelque chose dont il faudra qu'on parle, c'est important. Et je crois que... Mais là je crois que c'est vraiment pas le moment, je suis vraiment désolé. Hein. Enfin, quoi, qu'est-ce que vous voulez parler, c'est quoi le délire là ? C'est Jean-Baptiste qui l'a fait le hacking sur internet, c'est lui. Arrêtez, c'est pas quelqu'un, c'est... Merde. Et vas-y, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas vraiment envie d'en parler devant lui. Mais non mais si ça se trouve, c'est peut-être ça qu'il faut lui dire, genre on peut pas lui cacher grand-chose. C'est quoi le problème ? L'argent que vous avez dans votre organisation. Oui, bah oui. Je me suis beaucoup intéressé à vos comptes. Surtout depuis que des petits criminels comme vous ont pu se payer le meilleur avocat la première fois que je vous ai mis sous les verrous. Vous parlez bien. J'ai remarqué que dernièrement, vous avez été très en affaire avec Black Mask. Hein ? Mais ça me paraît étrange parce que Black Mask cherchait cette petite et vous l'avez quand même rendue au Wayne. On n'a jamais été en affaire avec Black Mask. On le déteste. Non, c'est vrai. C'est vrai, je vous dis, c'est mon cousin. Nous, okay. Le Black Mask, il a essayé de venir. Je prononce la phrase à pirate dans un bateau pirate. La voix grommelante face à vous devient plus forte, plus importante. Vous la sentez s'écraser sur vos épaules et il dit « Silence !» Ok. Mettez. Je sais pas si tout le monde a entendu ce qu'avait dit. Ouais, mais je pense que je me suis arrêté avant. Du coup, genre, j'ai dû dire deux mots. Ah, ok, d'accord. Si, si il a hurlé, je... Mais moi aussi, j'ai dit quelque chose avant qu'on me dise de fermer ma gueule. Si vous devez parler, ce sera un à la fois. Je lève littéralement la main dans l'univers. Si tu lui donnes un coup, j'en fais la quoi. C'est la bonne élève. Non, je suis éloigné. Je suis c'est Yasmine, la bonne élève. Sur lui. Allez-y. Un pirate dans un bateau pirate. Tout le monde disparaît dans la pièce. Hein. Et j'attends de voir, est-ce qu'il dit quelque chose, genre... Vous nous voyez, là, on est d'accord. Ils ont changé. Oui. Et là, il bouge plus non plus. Non. Ça, c'est incroyable. Putain, même lui, c'était à voir. Imagine. Tu vois qu'il reste silencieux quand même un moment, tu vois, en fait tu vois ses yeux blancs dans le noir qui ont l'air de bouger, tu sais un peu, il bouge un peu sa tête des uns aux autres. Je comprends mieux. C'est quoi ? J'ai eu la chance de être instable au bon moment, et j'ai entendu ça. C'est quoi ? Vous êtes sous influence. De la drogue ? Non. De l'hypnose. Quelque chose qui a été bien caché au fond de votre psyché. Ramenez-les. Un pirate dans un bateau pirate. Monsieur MJ, moi aussi. Vous revenez. Ça vient de... Oui, toi aussi. Vous revenez, mais il s'est rien passé pour vous. Hein. C'est immédiat. Vous avez toujours eu juste le silence. Et c'est encore silencieux. Non. JB, c'est quelque chose qui s'est passé bien avant ce mind de truc. C'est quelque chose qu'on a oublié, quoi. Parce qu'on a tous fait des activités légales, patati patata, c'est... donc toi aussi. Ça s'est passé quand ils sont venus au Mayalibi, hein. Ça s'est passé bien avant, il y a genre un an de ça, ou je sais pas quoi. Ah, d'accord. Du coup, il reprend la parole et il dit « Vous êtes tous sous influence. » Hein ? Influence ? Ça veut dire quoi, ça ? Black Mask, sûrement, a une main dans chacune de vos têtes. Il peut vous faire faire ce qu'il veut. Et il l'a sûrement fait depuis un bon moment. Ça explique vos activités. Quoi ? Il aurait fait ça quand ? Mais oui, je suis innocent, vous savez bien. Vous avez commencé à travailler pour lui il y a un peu moins d'un an. Putain, aucun souvenir de ça. Putain. Cependant, vous n'avez pas une nouvelle de votre employeur, n'est-ce pas ? L'ancien employeur ? J'ai observé vos capitaux d'origine, j'ai vu qu'ils venaient de plusieurs endroits, j'ai reconnu le pattern. Le banquier, n'est-ce pas ? Comment vous savez ? Il reste silencieux. A priori, il considère pas qu'il a besoin de s'expliquer. Ouais, c'est lui. Tu m'étonnes. Au même moment où vous avez commencé à travailler pour Black Mask, les capitaux qui suivaient ce même pattern ont arrêté d'aller dans votre direction et vers Black Mask. Putain. C'est fait manipuler, alors. Je crois que vous avez été racheté. Putain. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a moyen de d'enlever ce truc dans notre tête ? Il faut qu'on le fasse, parce qu'à n'importe quel moment, on peut faire des... utiliser pour autre chose, ou même, je sais pas, même s'en prendre à vous sans qu'on le sache. Faudrait aller voir un bon psy. Il faut que j'en apprenne plus avant de vous en dire plus. Putain. En attendant, considérez-vous sous ma responsabilité. Je ne veux aucun mort de vos mains. Je ne veux plus aucune activité criminelle de votre personne. Et comment on fait? Je serai capable de savoir quelles activités sont faites de votre chef ou contre votre volonté. D'accord. Putain. On s'est bien fait comprendre? Oui. Oui. Ne faites pas de mal. Vous voyez les yeux blancs se fermer. Et vous vous tournez vers l'autre, les autres yeux blancs peut-être qu'il y avait du côté de la porte qui se ferment aussi. Ruby, tu lèves les yeux au-dessus de toi parce que t'avais techniquement toujours les mains autour d'une jambe. Ouais. Et tu vois des yeux blancs aussi qui se ferment. Et tu sens quelque chose qui tire un peu pour te faire lâcher. Tu lâches ? Je lâche. Tu lâches. Et vous entendez aucun bruit. Rien du tout. Et les lumières se rallument. La musique du Our Alibi se relance. Vous êtes seul dans la pièce. Putain. Ah, c'est la merde. On a été bien baisé sur ce coup-là. Oh putain. C'est la merde. Et alors que vous restez silencieux un moment peut-être dans cette pièce, à essayer de remettre votre esprit dans l'ordre, de déjà de penser aux conséquences de ce qui vient d'avoir été dit, mais aussi d'essayer peut-être de remettre de l'ordre dans votre chronologie mentale, d'essayer de voir où est-ce qu'il pourrait y avoir des trous, c'est un peu compliqué soudainement. J'ai l'impression d'avoir eu comme des absences ces derniers mois. Putain. Moi je m'en souviens pas, je suis drogué à 24. Vous commencez à réaliser peut-être au moins en effet tous. Pour l'instant c'était peut-être des doutes pour certains d'entre vous, mais vous réalisez véritablement en effet. Quel business vous avez fait pour garder cette entreprise sur pied? Même toi Marco, du coup, pour ton organisation du Govien qui est liée au gang slave unifié du coup. Quelle activité t'as fait avec ces gants? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en savez absolument rien. C'est comme si vous aviez un peu moins d'une année qui s'était passée depuis votre arrestation jusqu'à peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait été effacée et peut-être remplacée par juste une impression d'avoir vécu une demi-année avec des espèces de presque souvenirs à la place.